él es. Da, da, da, da. Okay. Dis-moi qu'on saura dès le début, on s'en tiendra, baby, baby. C'est fort, toi et moi, je l'ai toujours su, c'est notre karma, yeah, yeah. Chaque fois tu me regardes, j'y crois encore un peu plus. Prions pour que rien ne s'arrête. Je t'ai imaginé depuis le premier jour, yeah, yeah. Pour des millions de raisons différentes, on s'aime. Pour tellement de raisons, on se ressemble. On se ressemble. Pour des millions de raisons différentes, on se veut. On se veut. Oh, oh, oh. Jure-moi que ça durera. Je n'ai qu'une seule vérité, c'est toi et moi, moi. Si moi, fort qu'on s'aime. Je peux le dire maintenant, je n'existe plus sans toi. Jure-moi que ça durera. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est toi et moi, moi, moi. Je peux le dire maintenant, je n'existe plus sans toi, toi. Pour des millions de raisons différentes, on sait. On sait. Pour deux raisons, on se ressemble. On se ressemble. Pour des millions de raisons différentes, on se veut. On se veut. Ah. Pour des millions de raisons différentes, on sait. On sait. Pour deux raisons, on se ressemble. On se ressemble. Pour des millions de raisons différentes, on se veut. Qu'une seule vérité, c'est toi et moi, moi. Si fort qu'on s'aime. Je peux le dire maintenant, je n'existe plus sans toi. Moi que ça durera. Y'a qu'une seule vérité, c'est toi et moi, moi, moi. Mais le je peux le dire maintenant, je n'existe plus sans toi. Je vis ce rêve sans avoir peur. Sans avoir peur. J'ai trouvé ce qu'il y a de meilleur. Nos pensées sont les meilleures. La vérité et la mienne. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Car nos pensées sont les meilleures. La vérité et la mienne. Tu n'as plus à en douter. Non, nos cœurs se sont mérités. Yeah. Nos pensées sont les meilleures. La vérité.